une situation qui quand même nous a alarmés. C'est pour ça qu'on a fait un communiqué de presse par rapport au manque d'accès qu'on pouvait avoir, d'accès aux populations civiles, aux populations palestiniennes, suite à cette opération militaire que l'armée israélienne a appelée jour de pénitence. Médecins sans frontières, on travaille dans la bande de Gaza depuis début 2001. Et on travaille particulièrement dans des programmes de santé mentale. Ce qui veut dire qu'on essaye de débriefer des personnes qui ont subi des traumas. On ne tient pas du tout à se substituer à des médecins ou des psychologues ou des psychiatres palestiniens, puisqu'ils sont nombreux, mais on tient à aller voir des familles isolées, des familles dont les maisons sont occupées, qui ne sont pas joignables par ces médecins palestiniens, et nous tenons à apporter, à titre préventif, ce soin de psychologique qui leur permettra après de pouvoir retrouver à peu près une vie normale. L'équipe de Médecins sans frontières est toujours à Gazaville. Hein. On a une équipe qui vit sur place, faite de psychologues et de médecins. Et cette équipe ne peut plus atteindre ses patients, ne peut plus les joindre physiquement, puisque la bande de Gaza est coupée en trois. La plupart de nos patients étaient au sud de la bande de Gaza, à Rafah, puisque c'est là où il y avait eu le plus de démolitions. Jusqu'à hier, le checkpoint de Al-Khouli, qui est un peu une sorte de passage obligé pour aller dans le sud, était fermé. Donc nous n'avions plus accès à la population du sud. Toute la zone centrale de la bande de Gaza n'était plus accessible non plus, ni par la grande route principale, Salah al-Houdin, ni par la route de la plage, où des tanks israéliens s'étaient postés et ne laissaient même pas les piétons passer sur cette voie. Et notamment, je prendrai l'exemple de plusieurs familles qu'on suivait près de la colonie de Nezarim, qui est une colonie donc au centre de la bande de Gaza, qui n'était pas joignable ces derniers temps. Mais il se trouve que notre action est entravée, parce que pour l'instant, nous avons eu accès à l'hôpital Kamal Radouane de Jabalia, mais il y a d'autres parties du camp auxquelles nous n'avons absolument pas accès. Pour la sécurité de nos équipes, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas eu la coordination donc de l'armée israélienne pour pouvoir y accéder, et nous avons décidé de ne pas y aller pour la sécurité de nos équipes. Pour l'instant, une opération militaire qui a encore lieu, et tant qu'elle a lieu, il est très très difficile pour les acteurs humanitaires de pouvoir entrer sur le terrain avec le risque qu'il y a actuellement.